Chapitre 12e, le passage secret. Le premier souci de Delbon fut de s'appliquer à chercher l'issue du passage secret par lequel Gresset avait fui et les moyens d'y pénétrer. Il y parvint sans trop de peine. Il avait remarqué que la paroi du fond d'une des dernières caves différait un peu comme structure de celle des murailles d'alentour. Elle s'élevait par pierres de taille symétriquement superposées que liaient du ciment fort dur. La position même de Gresset, alors qu'il avait disparu, laissait prévoir qu'à cet endroit se trouvait l'aboutissement d'une quelconque voie souterraine. Un examen minutieux avec une lampe à projecteur confirma l'hypothèse première. Jaillie manifestement d'une blessure, une sorte de traînée sanglante avait laissé sa trace sur la poussière, un endroit où il semblait qu'existât du jeu entre les pierres de taille. Cet interstice n'avait-il pas sa signification? Grâce à la pointe aiguë d'un clou, Delmont acquit une conviction. La plupart de ces pierres de taille se délimitaient fictivement, l'interstice étant simulé d'un trait de pinceau. L'ingénieur se trouvait donc en présence d'une dalle massive d'1,50 m de haut sur 50 cm de large, qui devait pouvoir se déplacer aisément sur un axe mobile pour donner passage à un corps. Ce point étant acquis, comment mettait-on en branle le D-bloc? Il existait certainement un levier de commande. Delbon se rappelait la manière dont, sans la moindre hésitation, Gresset avait trouvé la porte de salut en pleine ténèbre. Il fallait que le mécanisme auquel celle-ci obéissait fût quand même assez apparent. L'ingénieur s'avisa alors de la présence d'anneaux de fer fixés en cet endroit précis, en cet endroit seul, de la cave. Il les étudia patiemment, attentivement l'un après l'autre, et de prime abord ne découvrit pas grand-chose de particulier. Également rongés par la rouille, scellés de la même façon, de même poids, de même forme et de même dimension, ils avaient peut-être servi à attacher des malheureux condamnés à mourir de soif, de faim, de peur, dans les ténèbres ou, moins tragiquement peut-être, les bêtes de somme qui devaient ravitailler le château fort. Sans se décourager, Delbon entreprit de les remuer, de les agiter en tous sens. Il s'y était pourtant déjà essayé sans aucun succès, et cela à plusieurs reprises lorsqu'il eut la surprise joyeuse de se trouver récompensé. Un des anneaux proches de l'un des longs interstices se mit à tourner progressivement. À cette première rotation en correspondit aussitôt une autre, celle-là d'importance. La dalle pivotant sur son axe de milieu ouvrait le passage. Résolument mais prudemment néanmoins, Delbon s'engagea dans le boyau obscur en diable, mais il n'osa pas rechercher comment de ce côté nouveau on parvenait à l'obstruer. Il craignit que le mécanisme, se dérobant à son retour, ne le condamnât à subir jusqu'à la mort l'atroce angoisse et les tortures de la faim. Le couloir sinueux qu'il suivait, assez bas de voûte, l'obligeait à baisser la tête, quoi qu'il fût, nous le savons, de taille moyenne, et il avait l'impression de violer un caveau funèbre. Fort heureusement, le tunnel était relativement court. Malheureusement, il aboutissait à une porte sans serrure apparente que Delbon tenta vainement d'ébranler. Taillée dans le chêne, elle opposait une déconcertante résistance. Il lui fallut une cartouche de dynamite pour l'arracher à ses gonds, d'ailleurs invisible. Faute de pouvoir la démolir, l'ingénieur l'examina. Elle sortait évidemment d'un atelier moderne et sans style, sans élégance, ne présentait qu'une singularité. Sur les lourds panneaux de bois dur, une ferronnerie se détachait, simulant une sorte de trident, à moins qu'elle n'eût la prétention de figurer un candélabre à trois branches réduit au trait. Un candélabre, pourquoi pas? Il y a dans toutes les intelligences des illuminations subites. Au lieu de s'acharner sur place à trouver le mot de l'énigme, de la nouvelle énigme du moins, Delbon regagna ses appartements, non sans prendre la précaution de remettre la dalle en place en en faisant jouer l'anneau. Dans le calme de son studio, il se reprit alors à étudier l'étrange candélabre à trois branches qui avait déjà retenu son attention particulière le jour même de son arrivée. Il avait la persuasion intime que cette pièce d'orfèvrerie recelait le secret capable de forcer la porte qui, en bas, ouvrait à son esprit le champ des conjectures infinies. Tout d'abord, et naturellement, il pensa au vieux reliquaire qui en constituait la base. Par son ouverture, le grand-père malicieux n'avait-il pas glissé l'indispensable indication? Comment pourtant s'en assurer? Avec un fil de fer recourbé, il se livra de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite, en tous les sens, à une exploration sérieuse, attentif, de l'ouïe et du toucher au moindre froissement, à la moindre résistance, qu'il avertirait de la présence d'un chiffon, d'un objet quelconque. Il ne découvrit rien de rien. Il s'assit alors, découragé presque, sans cesser de considérer le candélabre, et puis soudain, il se sermonna en ces termes. Qu'il est donc difficile, après des années et des années de discipline intellectuelle et d'études, d'envisager les choses avec un de ces saints esprits primitifs qui, si logiquement, vont du simple au complexe. J'ai sautement commencé par le complexe, j'ai empoigné le taureau par la queue. Il réfléchit encore, répondit à une de ses propres observations, après tout, rien d'impossible. Il revint au candélabre. Il enleva avec précaution les chandelles à demi consumées, les bobèches, et enfin les bandes rectangulaires de papier qui servaient à consolider dans leurs alvéoles les dites chandelles. Après quoi, il les déplia lentement en évitant de les déchirer. Il avait son idée. Un de ces rectangles promenait d'un prospectus des pilules pâles pour gens obèses, un autre était absolument immaculé, mais le troisième portait un dessin et des lettres gros de signification. De gauche à droite, S, E, S, puis A, M, E. « Sésame, monogola Delbon, sésame, ouvre-toi !» Amusant, on n'avertit pas plus nettement qu'on brûle, qu'on tient la vérité par le manche. Si je n'ai pas trop mauvaise mémoire, les ferrures de la porte du souterrain reproduisent très exactement le croquis du trident. Et si mon intuition ne me trompe pas, c'est à l'extrémité d'en bas de la barre verticale du milieu que je découvrirai le moyen de ne pas laisser clos ce qui ne doit pas le rester. On ne l'a pas désigné d'une lettre, sans doute pour la mieux mettre en évidence. Allons voir de près. Il y a là. Il ne s'était pas trompé. La barre médiane de métal se terminait par un triangle au milieu duquel s'épanouissait une rosace en fer forgé. À son centre, il pressa du doigt. Un ressort céda sous la pression et la porte s'ouvrit, sans bruit, doucement. Permettrait-elle enfin l'accès du monde des merveilles ? Après s'être assuré qu'elle fermait de l'autre côté uniquement par un verrou, Delbon la poussa et poursuivit. Le boyau montait en pente douce pendant une centaine de mètres et après un coude assez brusque, l'ingénieur se trouva la face collée à une solide grille. Une construction large et massive, dont il ne reconnut pas de suite la qualité, masquait ses regards. Tout à coup, comme pour saluer sa venue, un ronflement d'orgue s'éleva sur lequel bientôt se détachèrent les accents d'une voix fraîche au timbre agréable qui éveillait des souvenirs dans sa mémoire. On chantait un large cantique, le Canticum Angolerum. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Cette musique religieuse fixa d'autant mieux l'ingénieur sur la nature précise du lieu dont le séparaient les barreaux, qu'il avait présente à l'esprit l'orientation de son trajet dans les ténèbres. La masse épaisse qui interceptait ses regards était un maître-autel. Il se trouvait, à n'en pas douter, dans la crypte de la chapelle de l'institution libre. Et il écoutait l'hymne dérouler ses notes graves et pénétrées, avec une émotion qu'il ne s'expliquait pas, ou que peut-être il s'expliquait trop bien. Il ne songeait plus à son étrange position du moment et aux possibilités d'en changer. Il lui semblait qu'il ne désirait rien d'autre que de se soulever l'âme, longtemps, longtemps encore, par les flots de la puissante harmonie. Et il constata presque avec regret que la musicienne invisible et cependant reconnue plaquait ses derniers accords. Alors, se décidant brusquement, il se saisit d'une pierre et la lança contre le maître-autel. Elle s'y heurta avec un bruit sonore et rebondit sur les dalles. Dans la nef, une exclamation de surprise s'éleva. « Mon Dieu, qu'est-ce qui dégringole ?» On accourut, et Delbon ravi, eut bientôt devant lui son petit chaperon rouge, qui, courageux par définition, ne s'effraya point, ne parut même pas trop étonné et de suite plaisanta. « Vous avez donc été bien méchant que l'on vous a mis en cage ?» Il répliqua. Vous devez être bien peu curieuse pour n'avoir jamais songé à vous informer de ce qui se passe derrière la grille qui nous sépare. Elle affecta de frissonner des fois. Brrr. L'envie ne m'en a pas manqué, mais je me suis appliqué à la refouler, comme je m'applique à mes devoirs. Et à la maison, je ne sache pas que personne ait eu plus d'audace. Il paraît que le souterrain est percé comme une écumoire, percé de sinistres oubliettes où l'on risque de disparaître. Pfft. Aussi vite et ainsi qu'un caprice de jolie fille. Je vois que l'on a exagéré. « Puisque vous êtes là, mais c'est égal, je préfère croire que d'aller voir. » Elle ajouta, tout à fait espiègle, « Je vous disais que vous aviez dû être fort méchant. Pour que l'on vous enferme dans cette cage, je rétracte. Vous n'avez pas dû l'être, vous l'avez été. Oh, ne roulez pas ces terribles yeux, vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité. J'ai la vocation du martyr et de bourreau, car pour vous punir, si vous étiez condamné à rester là à perpétuité, Je ne vous ferai pas la charité, non, de vous apporter 2 sous de brioche trempée dans du lait. Oh, oh. La faute est donc si grave. Dommage que je l'ignore. Qu'ai-je donc commis de si criminel pour justifier une pareille rigueur ? Elle éclata de rire. Vous m'avez compromise. Parfaitement. Oh, certes, j'étais un peu légère. Mais comme vous êtes mon aîné, et en conséquence, tout au moins théoriquement, le plus raisonnable, vous êtes aussi le plus coupable. Il dit étourdiment. Je ne demande qu'à réparer. Elle devint grave. Vous ne réparez rien, car vous ne me verrez plus. On me renvoie de la pension aux vacances de Noël. Mademoiselle Alix, vous savez ce grand mât, qui n'est pas de Cocagne, a eu vent de nos rencontres scandaleuses. Ce sont ses propres termes. Elle estime que je porte atteinte à la réputation de vertu de sa maison d'éducation. Elle me chasse. La confidence répercuta en pénible écho dans le cœur de Delbon. Il alla demander de plus amples explications. La jeune fille le prévint d'un chut énergique. Depuis un moment, elle prêtait l'oreille. Soudain, frappant du pied avec humeur, elle s'approcha et chuchota à travers la grille comme à travers celle d'un confessionnal. Impossible d'être tranquille 1 minute dans cette boîte. On vient, adieu. Elle s'éclipsa. Un martèlement de pas se rapprochait. L'ingénieur disparut aussi.